tiré du manuel d'histoire « L'Église des apôtres et des martyrs » écrit par l'historien Daniel Rops, tiré des grandes études historiques. Les belles et bonnes choses que Constantin a faites. En premier lieu, on sait que les protestants décrivent Constantin comme un opportuniste, un faux chrétien, qu'il a été l'inventeur du catholicisme, c'est-à-dire d'une fausse église, d'une église apparente, là, en fin de ligne comme un vrai salaud. En premier lieu, Constantin a fait cesser toutes les persécutions des chrétiens, puis leur a donné la liberté de culte. Ces deux choses à elles seules ont été les preuves d'un homme envoyé de Dieu. L'édit de Milan de 313. Les décisions de Milan ont élevé le christianisme et établi son égalité avec le paganisme. La religion du Christ devenait une religion licite. Constantin ne pouvait pas encore faire disparaître le paganisme. L'Empire en était rempli et l'Église n'était pas encore assez forte pour le remplacer. Mais ce fut une première étape et un grand pas en avant. Le paganisme mettra encore plus de 2 siècles à disparaître, puis encore. Le paganisme a connu une reprise de vie vigoureuse vers 361, une seconde vie, sous l'empereur Julien, qu'on a appelé Julien l'Apostat, le dernier empereur païen. Le paganisme avait été frappé à mort et a repris vie sous son règne. Mais l'Église a vite repris le dessus. Julien l'Apostat était cette bête frappée à mort et revenue à la vie dont l'Apocalypse, chapitre 13, parle. Voyez-vous, mes amis, on ne peut pas comprendre la Bible si on ne connaît pas le contexte historique dans lequel elle a été écrite. Soit dit en passant, là, ça se passe au 4e siècle, alors que les protestants disent qu'à cette époque, l'Église est apostate et appartient au diable. Voici qu'arrive sur la scène historique cet empereur. Il tentera désespérément de rétablir tous les cultes païens et de renverser l'Église. Il écrira plusieurs volumes pour démentir toutes les vérités chrétiennes. Julien est au courant de tout car c'est un enfant de famille chrétienne. Il a été élevé dans la foi, mais à l'âge de 16 ans, quand il est arrivé au pouvoir, il a tout renié et est devenu le pire ennemi de la foi. Ça me rappelle le passage de Daniel 8:12. À cause du péché, la corne jettera la vérité par terre. Je pose ici une question. Si l'Église était apostate et diabolique, pourquoi le diable cherchait à la détrôner et la détruire? Comme on le sait, Satan ne lutte pas contre Satan. Il ne fait pas la guerre contre lui-même. Alors, encore une fois, le raisonnement protestant ne tient pas tellement debout. Quand on dit suivre la Bible, il faut penser comme la Bible et tirer les mêmes conclusions que la Bible. Mon manuel d'histoire dit, entre autres, l'édit de Milan interdit sous peine de mort la délation. Plus de dénonciation des chrétiens. Soucieux très évidemment de ne pas heurter de front la sensibilité de ses sujets païens, Constantin accepta les honneurs traditionnels et le titre de Pontifex Maximus comme les autres empereurs avant lui. Fin de citation. Il faut comprendre que Constantin était un homme politique et en tant que tel, il avait la responsabilité avant tout de conserver la paix dans l'Empire. Les guerres civiles ne sont bonnes pour personne. Alors si Constantin ménageait les païens, c'est pour ne pas provoquer de révolte. Le monde n'était pas prêt. Le christianisme n'était pas assez fort pour imposer sa loi à tout l'Empire. Pas encore. Mais si Constantin était décidé à ménager les susceptibilités païennes, il n'en manifestait pas moins les sentiments qu'il éprouvait envers le christianisme. Constantin écrit immédiatement une lettre à Maximin, le proconsul d'Afrique, lui disant de suspendre les persécutions sans délai. Il en reçut une autre lui ordonnant de rendre à l'Église ses biens confisqués. Dès 313, le trésor public a aidé à la reconstruction des bâtiments chrétiens et le pape Miltiade reçut en don de l'impératrice Fausta le somptueux palais du Latran. Les protestants se trompent quand ils disent que c'est le diable qui a installé l'évêque de Rome au Latran. Je vous rappelle Jacques 1:16-17 qui dit clairement « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. » Également Jean 3:27, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Une autre traduction a rendu, un homme peut seulement avoir que ce que Dieu lui donne. Une autre traduction, nul ne peut rien s'attribuer qui ne lui soit donné du ciel. Alors lorsque Constantin abandonne Rome et installe sa capitale à Byzance, c'était pour faciliter le christianisme dans le monde. On a nommé cette période la paix Constantine. Toutes les clauses de l'édit de Milan se réduisent pratiquement à une seule, je cite, « La liberté de religion ne peut être contrainte. Il appartient à chacun d'obéir au mouvement de sa conscience. Nous voulons que quiconque désire suivre la religion chrétienne puisse le faire sans crainte aucune d'être inquiété. Les chrétiens ont pleine liberté de suivre leur religion. » Fin de citation. C'est une déclaration absolue de tolérance. Pour ne pas risquer d'inquiéter les païens qui auraient peur des représailles, l'édit précise « Mais ce que nous accordons aux chrétiens est aussi accordé à tout autre. Chacun a le droit de choisir et de suivre le culte qu'il préfère sans être lésé dans son honneur ou sa conviction. Il en va de la tranquillité de notre temps. » Fin de citation. Cet empereur avait beaucoup, beaucoup de discernement, beaucoup de réalisme. Les protestants se scandalisent de ce que Constantin donne la même liberté aux païens et aux chrétiens. Ils disent « Ah, eh bien, ça prouve que Constantin n'était pas un vrai chrétien. » Écoutez, premièrement, le christianisme, le vrai, ne s'impose pas par la force. Les conversions faites sous la menace ne sont pas de vraies conversions. Devenir chrétien doit venir d'une décision libre et personnelle. Êtes-vous capable de comprendre ça? Je sais que vous êtes capable de comprendre ça. Vous-même, est-ce que vous avez accepté Jésus comme sauveur parce qu'une loi vous forçait à le faire? Non. Alors comprenez que Constantin ne pouvait pas non plus forcer les païens, du jour au lendemain comme ça, à entrer dans le christianisme par la force et à coup de loi. Constantin a pris des décisions très sages et favorables à la paix de l'Église et à la paix de l'Empire. La seconde partie de l'édit de Milan est d'ordre pratique. L'Église, désormais reconnue, a le droit d'être aidée à relever ses ruines. Le culte chrétien doit pouvoir être pratiqué dans ses propres bâtiments. Les églises, lieux d'assemblée, tout devra être restitué aux fidèles. L'édit de Milan, c'était la liberté spirituelle, une période de renouveau. On ne saurait surestimer l'importance d'un tel événement qui, du point de vue historique, aucun ne peut lui être comparé quant à son importance dans le développement du christianisme. En ce moment précis, les efforts héroïques des martyrs se trouvaient récompensés. La révolution de la croix avait triomphé. En Jean 16, 20, 21, Jésus avait prophétisé cette victoire de l'Église. « en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. » Constantin se trouvait désormais le défenseur du christianisme et se posait en garant de la paix du Christ. Mes petits chrétiens évangéliques répondaient à cette question. Comment Constantin pouvait-il venir du diable si c'était le diable qui persécutait les chrétiens et Constantin qui les en empêchait? Luc 11, 18 dit « Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? » Alors soyez conséquents avec la parole de Dieu que vous dites suivre si scrupuleusement. Réfléchissez un peu avant de crier n'importe quoi sur les toits et de dénoncer n'importe qui. Mais je sais que ce n'est pas votre faute, vous avez seulement reçu et accepté ce qu'on vous enseignait. Moi aussi, j'ai cru tous ces mensonges quand j'étais jeune. Maintenant, il vous faut vous dégager de ces liens et de toute cette désinformation que vous avez reçue. Autre chose que Constantin a fait de bien. Sur la voie d'Ostie, Constantin fit construire une église là où Paul eut la tête tranchée. Il institua également des secours officiels aux enfants abandonnés. Il améliora aussi le sort des esclaves, leur égalité morale est reconnue. L'affranchissement est rendu plus facile. Leurs propriétaires n'avaient plus le droit de vie ou de mort sur eux. Ils pouvaient être punis de mort eux-mêmes s'ils tuaient un esclave. Constantin prit également des mesures contre l'adultère, mesures contre les viols de jeunes filles, contre la prostitution, etc. Constantin abolit le supplice de la croix et rend une ordonnance contre les combats de gladiateurs. Cette loi porte la date de 319. Il essaya aussi de supprimer, dans les représentations du cirque, les spectacles sanglants ou obscènes. Il promulgua également des édits contre l'art divinatoire. Il proscrivit les opérations de magie. Est-ce que tout ça vous paraît l'œuvre du diable, mes amis? Cette clause achève de montrer la réalité de la conversion de cet empereur. Les protestants disent que si Constantin avait favorisé l'Église en tellement de choses, c'était dans des vues politiques et pour se rendre populaire. Écoutez, favoriser les chrétiens au milieu de tout un empire païen, c'était au contraire un véritable suicide politique. Les païens étaient 10 000 fois plus nombreux que les chrétiens, et pas l'inverse. N'oubliez pas ça, mes amis. En favorisant les chrétiens, Constantin a pris la décision la plus impopulaire qui soit. Alors dire que Constantin a privilégié les chrétiens pour se rendre populaire, écoutez, là, ça tient pas vraiment la route, là. Le quart de siècle où Constantin a régné sur le monde marque bien la plus décisive des étapes vers la christianisation générale de l'humanité. Alors, suite à tout ça, que devons-nous penser de Constantin? Eh bien, c'est très simple. Jésus a dit « Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. » Matthieu 7, 17 et 18. Saint Augustin a écrit « Il est impossible que la neige soit chaude. » Vous comprenez? Ni le diable, ni ses serviteurs ne peuvent faire le bien, et encore moins faire du bien aux chrétiens. Alors dire que tout le bien que Constantin a fait vient du diable est la pire des hypocrisies, mes amis. Matthieu 12, 32, 33. « Quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Mes amis protestants, faire le mal ne vient jamais de Dieu et faire le bien ne vient jamais du diable. C'est aussi simple que ça. Entrez-vous ça dans le coco, là, une fois pour toutes. Quand vous verrez l'Église catholique faire le bien ou dire de bonnes choses, rappelez-vous de ce verset là, qui est écrit dans toutes les Bibles. Si Constantin respecte la conscience des infidèles, c'est en déplorant leur obstination. Il les autorise à conserver leurs rites, mais appelle ceux-ci les rites et les cérémonies de l'erreur. Constantin ne pouvait pas forcer les païens à se convertir. Alors il est faux de dire, comme les protestants l'affirment, que Constantin était un hypocrite rusé, une crapule qui jouait un double jeu par simple ambition politique. Constantin n'avait pas d'ambition politique. Il était déjà au sommet du gouvernement, mes amis. Quelle ambition aurait-il eu? Il ne pouvait pas monter plus haut. Il avait tous les pouvoirs. Il est incroyable de voir jusqu'où la littérature protestante s'abaisse dans les coups bas pour détruire la réputation de l'Église et des hommes droits qui l'ont défendue. Moi, je dis que si Constantin a rendu justice aux chrétiens, c'est qu'il était un homme juste lui-même. 1 Jean 3,7 dit « Que personne ne vous séduise, celui qui pratique la justice est juste. » Est-ce qu'on peut être plus clair que ça? Mes amis évangéliques, vous avez été séduits par un faux enseignement qui dit que celui qui pratique la justice peut venir du diable. C'est impossible. C'est vous qui avez été séduits par un faux enseignement qui dit que les œuvres bonnes peuvent venir du diable. C'est totalement hérétique. Il y a beaucoup de choses que le diable est incapable de faire, et parmi elles, celle de glorifier le nom de Jésus. Également, il est incapable de dire la vérité, et il est incapable de faire le bien, et il est incapable de rendre justice. Encore moins de rendre justice aux chrétiens. Voici l'appel que j'adresse à tous les protestants. 1 Jean 2,29. Si vous savez qu'il est juste, « reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. » Reconnaître signifie avouer, admettre, se rendre à l'évidence et confesser. 2 Jean 11 dit « Celui qui pratique le bien est de Dieu. » Vous avez jamais vu un catholique faire du bien? Vous avez jamais entendu parler de Mère Teresa? On sait bien, vous autres, vous êtes sauvés par la foi seule. Vous n'accordez aucune valeur aux bonnes œuvres. Alors au lieu de faire du bien, vous condamnez ceux qui en font, et vous regardez la télévision au lieu de faire du bien dans le monde. Il y a tellement d'organismes charitables que vous pourriez fonder. Mais non, il faut que Dieu appelle des païens à faire ces choses-là. Votre christianisme n'est qu'une coquille vide. Ça vous insulte d'entendre ces paroles? Si ça vous insulte, c'est parce qu'ils sont vrais. Le protestantisme nie tout ce qu'il voit de bon chez les catholiques. Il s'est donné pour mission de diffamer, de discréditer l'Église, pour l'anéantir, causer sa ruine, et de réduire en poudre le catholicisme en utilisant tous les moyens, même s'ils sont abusifs, injurieux ou injustes. Et ça, mes amis, voilà bien plutôt ce qui est charnel, terrestre et diabolique. Ils vous feront toutes ces choses parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi, dit le Seigneur. Ne soyez pas de ce nombre, ne soyez pas de faux chrétiens. Que ce soit envers n'importe qui ou n'importe quoi, toute forme de persécution ou toute parole persécutive vient d'une méchanceté intérieure secrète. Comment, vous qui êtes méchants, pourriez-vous dire de bonnes choses, a dit le Seigneur? Alors beaucoup de ceux qui ouvrent aujourd'hui une grande bouche contre les catholiques et lancent du feu contre l'Église descendront un jour dans leur feu avec leur Bible dans les mains. Amen.